Et maintenant, prenons le mot guapo. Hein? G-U-A-P-O. Guapo, ça veut dire beau. Et guapa, belle. Alors, maintenant que vous savez la différence entre les deux verbes être, entre ser et estar, si Pablo, par exemple, parle d'une femme qu'il a rencontrée, quel commentaire est le plus flatteur? Es guapa ou está guapa? Está guapa? Es guapa. Voyons, s'il dit es guapa, hein, d'après ce qu'on a vu, il parle d'une caractéristique permanente, hein, de cette beauté qui est l'une de ses caractéristiques, de sa beauté naturelle. Tandis que s'il dit está guapa, il veut dire surtout, bah, elle est jolie aujourd'hui, hein, parce qu'elle est bien habillée, ou coiffée différemment. Hein, c'est une beauté temporaire. Il se peut qu'il ne la trouve pas belle les autres jours même. Hein. Donc, je vous repose la question. Qu'est-ce qui est le plus flatteur, hein, Catherine, qu'est-ce que vous préférez que je vous dise? Usted es guapa ou está guapa? Es guapa. Soy guapa, hein, es guapa. Très bien. C'est ça, hein? Es guapa, hein? C'est l'une de ses caractéristiques permanentes. Si vous voulez dire « je suis professeur », est-ce que vous emploierez « estoy » ou « soy » ? Estoy, non, soy, soy. D'accord, hein? Soy professeur. Et encore une fois, comment dit-on « je suis prêt » ? Estoy listo. D'accord, hein? Estoy listo. Mais vous pouvez dire aussi en espagnol « soy listo hein? ». Parce qu'en espagnol, « listo » a deux sens différents selon que l'on utilise avec « ser » ou « estar hein? », comme c'est le cas pour un certain nombre d'adjectifs. Donc, on emploie « estar » pour dire « être prêt »,« estoy listo hein? », »,« je suis prêt »,« está listo », »,« vous, usted, êtes prêt »,« il est prêt », »,« elle est prête hein? », »,« c'est prêt ». Donc, avec estar, listo veut dire prêt. Mais listo veut aussi dire intelligent. Or, intelligent, c'est une caractéristique permanente. Donc, si vous voulez dire je suis intelligent, vous dites soy listo. Soy listo. Et il est intelligent Elle. Hein? Il se dit elle en espagnol. Hein? E avec un accent aigu, elle. Alors, il est intelligent. Elle es listo? D'accord. Elle es listo. Elle est intelligente. Ella es lista. Bien. Ella es lista. Mais elle est prête? Alors, ella está lista? C'est ça. Ella está lista.